sangre, ni a quien cubeso la he avimé. O basta sa mwe kari senti, se lo mitan l'océan. O on te capa fè tout folie, se resta qui fè sa autrement. Café, moi songer tant passé.